J'avoue, je me méfiais d'elle, qu'elle soit gitane ou bohémienne, qu'elle soit italienne ou française. Pour moi, elles étaient toutes les mêmes, les astres, leurs boules de cristal, leur jeu de cartes, leur tarot, où elles voient le bien et le mal. Qui peut nous arriver bientôt? Leur prévision de l'avenir, leur connaissance du devenir, pour moi c'était des boniments pour abuser les pauvres gens. La voyante, croire à ce que disent les voyantes. Ce que disent les voyantes, pour moi c'était trop d'innocence. C'est difficile d'avouer qu'on a eu tort, qu'on s'est trompé, qu'on a jugé sans rien savoir de leur passé, de leur histoire. Sans savoir que c'est dans des drames leur sensibilité de femme, qu'un jour elles ont su trouver les mots qui savent rassurer, aider ceux qui ont perdu l'espoir, que l'on comprenne leur désespoir, qu'on vienne un jour à leur secours avec tendresse, avec amour. La voyante, et tous ces gens qui rient de toi. La voyante, ces gens ne te connaissent pas. La la la la la la la la. La voyante, la voyante, ces gens ne te connaissent pas.